Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous permet de courir, de sentir, de goûter, de porter? Comment sont coordonnées toutes ces fonctions corporelles, qu'elles soient inconscientes comme la respiration ou la digestion, ou volontaires comme tendre la main pour appuyer sur le bouton qui allume votre radio chaque jour à 16h pile. Votre cerveau, me direz-vous, certes, mais pas que. Toutes ces fonctions sont assurées par l'ensemble du réseau nerveux et le système nerveux périphérique. Comment est-il organisé? Comment sont assurées l'ensemble de ces fonctions corporelles? Que se passe-t-il lorsque ce système se dérègle? C'est tout ce système que nous allons explorer aujourd'hui. Système nerveux de l'autre côté du périphérique, c'est le programme décentralisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment fonctionne ce SNP, SNP pour système nerveux périphérique, donc, et ce qu'il advient lorsqu'il se dérègle, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Shara Matarian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service des maladies neuromusculaires et SLA au CHU de Marseille et coordinateur des centres de référence des régions PACA, Réunion, Rhône-Alpes et de la filière nationale neuromusculaire. Et Nicolas Tricot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur INSERM à l'Institut des cellules souches ISTEM à Corbeil-Essonne. Mais on commence par un tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude publiée dans la revue JAMA Open Network. En France, un adulte sur quatre vit avec une déficience auditive. Une équipe de l'INSERM a réalisé cette cartographie de la surdité dans la population française adulte. Parce qu'en France, nous avons très peu de données précises sur l'ampleur de ce problème. On s'intéresse à ça, car dans la littérature scientifique, il y a des travaux sur la surdité qui montrent que cela a un impact sur la qualité de vie des patients et que les conséquences potentielles vont de l'isolement social aux problèmes de déficit cognitif jusqu'au risque de démence. Les chercheurs se sont appuyés sur la cohorte Constance, avec plus de 200 000 adultes volontaires, qui passent une vingtaine d'examens de santé tous les 4 ans, dont des tests audiométriques pour quantifier la perte auditive. Les résultats de cette étude prouvent que la déficience auditive est très fréquente en France, 25% des adultes, et qu'elle reste aussi très mal soignée. Jean-Philippe Empana est directeur de recherche INSERM et le co-auteur de cette étude. Il y a des seuils qui permettent de distinguer une surdité sévère d'une surdité non sévère. Et si je devais donner 3 chiffres importants clés dans cette étude, c'est que finalement, ce qu'on observe, c'est qu'un adulte sur 4 a une surdité dite non sévère, c'est-à-dire que la perte auditive est inférieure à 20 décibels. Et en revanche, on a 4% de la population adulte qui a une surdité sévère, plus de 35 décibels comme perte auditive. Un autre élément clé, c'est que ces chiffres de surdité sont très liés à l'âge. Avec le vieillissement, la fréquence de la surdité, qu'elle soit sévère ou non sévère, est de plus en plus importante. Et puis, troisième point, on a observé aussi qu'il y avait des disparités socio-économiques dans la surdité, puisqu'on retrouvait plus fréquemment ces problèmes de surdité chez les sujets moins éduqués, qui avaient moins de revenus, ce genre de choses. Dans votre étude, vous montrez que chez les participants ayant une perte auditive invalidante, seuls 37% ont déclaré utiliser des appareils auditifs. Actuellement, les gens qui sont susceptibles d'être appareillés, c'est justement ceux qui souffrent d'une surdité sévère. Et bien, parmi ces gens qui ont une surdité sévère, finalement, un adulte sur 3 simplement déclare porter un appareil auditif. Donc là, il y a vraiment un champ d'amélioration à réaliser. Tant du point de vue des participants que je pense aussi du point de vue des personnes qui s'occupent de problématiques de surdité, pour vraiment inciter les gens qui ont une surdité sévère à vraiment porter ces appareils auditifs. C'est d'autant plus important que depuis 2021, ces appareils auditifs sont remboursés par l'assurance maladie. C'est important dans la mesure, et je pense qu'on l'a tous vécu dans sa famille, c'est important déjà pour la qualité de vie de la personne, parce que c'est très très désagréable, très perturbant d'avoir une perte d'audition invalidante, et ça contribue notamment, cette perte d'audition, à de l'isolement social. Et quand on est isolé socialement, finalement, ça contribue aussi de façon indirecte à ces problématiques autour de la cognition, puisqu'on a moins d'interactions avec les autres, de moins en moins d'interactions avec les autres, et ça, c'est un élément majeur dans ce qu'on appelle le déclin cognitif. Et on sait que les problématiques de déclin cognitif augmentent aussi avec l'âge. Voilà, si vous voulez retrouver cette cartographie qui est publiée sur le site de l'INSERM ou l'étude originale publiée sur le site de JAMA, eh bien on vous met tous les liens comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc ou sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Organisation mondiale de la santé a publié son rapport mondial sur la santé mentale. Une personne sur 8 dans le monde est atteinte d'un trouble mental. Il est urgent de transformer la santé mentale et les soins qui lui sont consacrés. C'est l'alerte que lance l'OMS à tous les décideurs politiques. Ce rapport, réalisé sur 20 ans, montre que partout dans le monde, la santé mentale se dégrade. En 2019, près d'un milliard de personnes, dont 14% d'adolescents, étaient atteints d'un trouble mental. Un décès sur 100 est un suicide. Et autre effet collatéral de la pandémie de Covid-19, la dépression et l'anxiété ont augmenté de plus de 25% au cours de la première année de la pandémie. Et pourtant, seuls 2% des budgets nationaux de la santé et moins de 1% de toute l'aide internationale à la santé sont consacrés à la santé mentale. Selon une étude parue dans la revue Geophysical Research Letters, au Groenland, des boucles de rétroaction positive accélèrent la fonte des glaces. Une boucle de rétroaction positive n'a rien de positif pour nous, ce sont des effets en cascade qui amplifient une perturbation sur le climat. À la fin de l'été 2021, on a vu de fortes pluies s'abattre sur le Groenland, suivies ensuite d'une fonte des neiges de surface, alors que la saison des fontes touchait à sa fin. Une équipe internationale a recoupé les données prises par les stations météorologiques locales avec les données satellitaires de Copernicus. Alors ce n'est pas la pluie qui a provoqué la fonte des glaces, mais une rivière atmosphérique, un courant d'air exceptionnellement chaud. Et avec cet épisode de fonte, la calotte a perdu environ 10% de sa réflectivité, c'est-à-dire de son pouvoir réfléchissant. Cette fonte a ainsi exposé une glace plus foncée, qui absorbe donc plus de chaleur et qui fait fondre plus de neige à son tour. Et enfin, selon une étude parue dans la revue BMC Psychology, être obsédé par les célébrités est peut-être le signe de capacités cognitives limitées. Des chercheurs hongrois ont fait passer des tests d'intelligence à près de 1800 adultes, avec des questions pour jauger leur intelligence fluide et leur intelligence cristallisée, mais aussi des questions sur leur fascination ou non pour les stars. Comme par exemple, si votre célébrité préférée vous demande quelque chose d'illégal, seriez-vous prêt à le faire? Il se trouve que plus un fan est fan, plus ses scores au test d'intelligence cristallisée et fluide sont faibles, tandis que les personnes au niveau d'intelligence plus élevé semblent, elles, se désintéresser des stars. Alors, est-ce que c'est le culte des célébrités qui fait chuter les compétences cognitives? On ne le sait pas. Corrélation n'est pas causalité. Merci Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. Notre système nerveux est, contrairement à celui de la pieuvre par exemple, un système centralisé. Tout part et tout remonte au cerveau qui traite l'ensemble des informations en permanence. On estime, si cette comparaison a beaucoup de sens, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, toujours est-il que le cerveau traiterait l'équivalent de 400 milliards de bits d'informations par seconde, dont seulement 2000 remontent à la conscience. Or, pour traiter toutes ces informations, le système nerveux central s'appuie sur l'autre système nerveux, le périphérique, soit tout ce qui ne constitue pas le cerveau lui-même et la moelle épinière. Et ce système nerveux périphérique est ce qui permet de traiter à la fois les tâches automatiques, autonomes, comme le battement du cœur ou la respiration, tout ce qui relève de la perception, les informations qui nous proviennent donc de l'extérieur et de l'intérieur de notre corps, mais aussi la motricité. Bref, il n'y a pas qu'un système nerveux et c'est ce que nous dit notre archive du jour. Nous sommes en 1951 dans l'heure de la culture française. Nous possédons non pas un, mais trois systèmes nerveux qui sont partiellement indépendants les uns des autres. Le premier est le réseau nerveux des vaisseaux sanguins et du tube digestif, semblable au système nerveux des sédentaires dont nous avons parlé dans notre dernière causerie. Le deuxième est le système nerveux sympathique ou autonome, chaîne ganglionnaire qui a évolué à partir de la chaîne semblable des invertébrés supérieurs. Enfin, le troisième est le système nerveux central ou cérébrospinal qui, depuis l'élan proie jusqu'à l'homme, est construit sur le même plan fondamental et ne montre pas de différence essentielle dans la série des vertébrés. Voilà, est-ce que cette catégorisation en trois systèmes nerveux, j'imagine qu'elle est un peu obsolète aujourd'hui, Nicolas Tricot ? Oui, en effet, je viens de l'apprendre qu'on avait trois systèmes nerveux de ce genre-là. En fait, effectivement, là, ça a quand même beaucoup évolué. Maintenant, on considère qu'on n'en a que deux. Et j'étais surpris d'entendre qu'ils étaient partiellement connectés. Alors qu'en fait, ils sont totalement connectés et ils fonctionnent justement ensemble et c'est bien ça qui fait leur intérêt. Cher Matarian, sur cette archive, une réaction? Non, mais ça présente bien, effectivement. Bon, c'est de 1950. Moi, je dirais quand même, c'est le système nerveux PFA qui permet qu'on interagisse avec le monde extérieur. Tous les cinq sens sont codés, enfin, les signaux extérieurs, et c'est interprété par le cerveau, mais et que finalement, le monde marche avec les muscles. L'image que l'on utilise souvent, c'est l'image d'un réseau routier, de dire qu'on a les autoroutes qui seraient la moelle épinière et puis le réseau des petites routes qui est l'intégralité finalement de ce système nerveux périphérique. Elle est opérante, Nicolas Tricot, cette image selon vous? Partiellement, comme toutes les images. Moi, je préfère interpréter ça comme un câble électrique, en fait, comme un système nerveux peut-être central qui représenterait un ordinateur central, et puis ensuite des câbles électriques qui vont aller allumer une lampe ou régler le chauffage d'un côté. Et ben, dans notre corps, c'est la même chose. Il y a un système nerveux central qui est l'ordinateur central. Et puis ensuite, il y a tous des câbles électriques qui vont effectuer toutes les fonctions de l'organisme. Je vois plutôt les choses comme ça. Jean Matarian, plutôt réseau routier ou plutôt réseau électrique? En même temps. Les deux. Non, les métaphores d'autoroute, ça me plaît parce que c'est assez facile de comprendre pour les patients. Les sorties d'autoroute, ça fait les racines. Après, qui se mélangent dans des sortes de carrefours, ça fait les plexus. De là, il y a les routes nationales qui partent, ça fait les nerfs. Et puis, il faut pas oublier que dans le système nerveux périphérique, il y a le muscle et la jonction entre le muscle et voilà. L'atteinte de chacun entraîne une pathologie. Chacune de ces structures. On va explorer ce vaste réseau, qu'il soit routier, électrique, enfin il est surtout nerveux. On va essayer de comprendre comment il s'organise, comment il fonctionne, et puis également ce qu'il se passe lorsqu'il dysfonctionne. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc du système nerveux périphérique tout au long de cette heure en compagnie de Chara Matarian et de Nicolas Tricot. Alors, messieurs, je vais vous laisser me décrire un peu de quoi il s'agit exactement, quelles cellules, quels neurones, combien y en a-t-il, comment ça s'organise, Nicolas Tricot. Alors effectivement, on avait deux images différentes du système nerveux, c'est parce qu'il y a une vision anatomique. Effectivement, ça ressemble à des routes. Moi, j'ai une vision un peu plus cellulaire. Et effectivement, pour moi, c'est plus des signaux électriques qui se propagent dans ces routes. Mais donc en fait, le système nerveux périphérique, d'un point de vue cellulaire, et ben en fait tous les neurones sont dans la moelle épinière, enfin du moins la plupart. Il y en a aussi certains qui sont situés dans les ganglions qui entourent la moelle épinière, qu'on appelle les ganglions dorsaux ou ventraux. Et là, par exemple, les ganglions dorsaux contiennent les neurones sensitifs ou sensoriels. Et les ganglions ventraux vont contenir tous les neurones qui vont conduire au système nerveux autonome. Et alors donc ces neurones projettent des axones, c'est des très fins prolongements qui vont aller se répartir un peu partout dans le corps, mais ils ne sont pas dispersés d'une façon complètement anarchique. En fait, ils sont rassemblés dans les nerfs. Et donc en fait, les nerfs vont comme ça commencer avec des gros paquets de fibres. Les fibres, c'est les axones. Et puis, en fait, ces fibres, elles vont se séparer en plus petits paquets qui vont rejoindre les muscles, la peau, qui vont rejoindre tous les organes. Et comme ça, le système nerveux central peut communiquer avec la périphérie. Et alors, faut pas oublier qu'il y a aussi un système nerveux, le système nerveux périphérique permet la remontée des informations. Donc, en fait, il y a un système dans les deux sens. Et notamment, donc, les neurones sensoriels reçoivent l'information de la périphérie, notamment de la peau, et la remonte à la moelle épinière et jusqu'au cerveau. Donc ce système a deux sens. Deux sens de circulation. Qui fonctionne comme ça. Alors, on n'oublie pas aussi, très important, c'est la myéline. Voilà. Donc la gaine de myéline, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour le système nerveux périphérique, mais aussi central. On l'oublie beaucoup trop parce qu'on a tendance à négliger les cellules gliales, et notamment la myéline, parce qu'elle a déjà une très longue histoire. C'est quelque chose qui est très joli à voir en microscopie, donc ça fait très longtemps qu'on la connaît. Mais c'est vrai qu'on avait un peu tendance à l'oublier, et elle reprend maintenant un rôle très important dans le fonctionnement des deux systèmes nerveux. Et donc la myéline, elle sert à quoi? C'est donc une gaine qui entoure les axones, donc les plus fins prolongements des neurones. Et cette gaine de myéline va à la fois accélérer la conduction nerveuse. Elle peut passer de 2 mètres secondes à 100 mètres secondes. Donc c'est énorme. Et elle va aussi permettre, qu'on a découvert plus récemment, elle va permettre de nourrir l'axone. Parce que, de façon à lui apporter de l'énergie. Parce que l'axone a, le rôle de l'axone est de transmettre, de faire un transport de matériel entre le neurone central et puis la périphérie, notamment les mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule. Et ça, ça demande le transport de matériel, demande beaucoup d'énergie à l'axone. Et ça, c'est les cellules gliales, notamment la myéline, qui va apporter cette énergie qui permet à l'axone de fonctionner. Donc voilà pour une première description très complète et très précise. Cher Amatarian, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Comment voulez-vous compléter cette description pour les auditrices et les auditeurs? Effectivement, ça a été très complet. Donc peu de choses à apporter pour comprendre les pathologie en tout cas, il y a donc 4 entités dans le système nerveux périphérique. Donc il y a le corps cellulaire qui est par exemple pour la motricité, c'est dans la partie antérieure de la moelle. Pour la partie sensitive, c'est dans les ganglions que Nicolas a décrit. Ensuite, il y a la structure myéline, je ne reviens pas là-dessus. Il y a l'axone. Et puis les cellules gliales et puis les muscles. Donc le siège fondamental des pathologies dépend le mécanisme d'atteinte de ces structures. On reviendra sur les pathologies tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. On divise, cher Amatarian, les nerfs en deux grands groupes, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Ça a encore du sens ça aujourd'hui, cette distinction-là? Non, en fait, c'est des spécificités des récepteurs, c'est-à-dire au niveau de face céphalique. Donc, ces nerfs sont reliés à des récepteurs particuliers, la vision, le goût, l'audition. Au niveau des nerfs rachidiens, c'est plutôt la sensibilité, la motricité qui sont véhiculées, dont on vient de parler. Nicolas Tricot, est-ce que les nerfs sont différents en fonction, et on va parler de la fonction des différentes fonctions qu'assure ce système nerveux périphérique. Est-ce qu'il y a des modifications dans la structure des nerfs en fonction qu'ils soient liés à un muscle, qu'ils soient liés à l'intestin ou qu'ils soient liés à mes papilles gustatives? Pour le dire simplement. Oui, il y a des différences fondamentales. C'est pour ça qu'on a du mal, des fois, à voir le système nerveux périphérique comme un tout. Parce qu'en fait, les fibres motrices sont des fibres assez grosses et donc elles sont très myélinisées de façon à permettre une action rapide. Alors que les fibres qui innervent les intestins, les organes, sont des fibres du système nerveux autonome qui sont non myélinisées et très fines, qui fonctionnent lentement, mais sûrement. Et donc, en fait, c'est vraiment un système nerveux qui est assez divers quand même. Justement, alors c'est intéressant parce que sur les fonctions qu'il assure, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a 3 grands types de fonctions, mais enfin on classe surtout la grande distinction, c'est entre le système nerveux périphérique autonome d'une part, qui assure donc les fonctions vitales de manière inconsciente, et de l'autre côté le système nerveux somatique. Oui, effectivement, c'est deux entités, en tout cas en termes de fonctions, qui sont très différentes et qui sont contrôlées par des systèmes au niveau système nerveux central, par des entités différentes. Donc, système nerveux somatique, c'est plutôt acte volontaire, on va dire, pour la motricité, comme vous l'avez décrit dans l'introduction, système nerveux autonome. Ce sont les actes automatiques, enfin comme le battement de cœur, voilà. La respiration, etc. Pour peut-être caractériser les deux, c'est ce que vous aviez commencé à dire, Nicolas Tricot. Ces systèmes-là, qu'ils soient autonomes ou somatiques, donc les nerfs sont, on l'a bien compris, relativement différents, dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens de la descente et dans le sens de la remontée. Oui, alors dans le sens de la remontée, c'est les fibres sensorielles en fait. Donc on oublie, enfin moi je préférais mettre 3 types finalement, oui. Fibres motrices, fibres sensorielles et puis fibres autonomes. C'est plutôt comme ça qu'on... Alors les fibres autonomes sont non myélinisées, très fines, les fibres motrices sont toutes myélinisées, très grosses, et puis entre les deux, on a les fibres sensorielles, donc il y a ces fibres de la douleur, mais toutes les sensations qui sont au niveau de la peau par exemple, et elles peuvent être plus ou moins myélinisées, c'est une sorte de mélange entre les deux, ça c'est... Voilà. Parce que c'est vrai que quand on pense à la perception, on pense aux cinq sens, mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que cinq sens, oui, et notamment la nociception ou la proprioception, qui sont aussi assurées par ce système nerveux périphérique. Par ces fibres nerveuses, effectivement. On sait maintenant qu'il y a la douleur, mais il y a différents types de douleurs. C'est si je veux dire qu'il y a différents types de neurones qui font fonctionner cette douleur, et donc différents types de fibres. Et de même, au niveau de la peau, il y a plusieurs fonctions sensorielles au niveau de la peau. On peut ressentir différentes sensations au niveau de la peau, et ça, c'est codé par des neurones qui sont différents. Alors les fibres elles-mêmes, c'est des axones, hein, ça ressemble à peu près à la même chose, mais en fonction de si c'est myélinisé ou pas, il y a des grandes différences physiologiques. Par exemple, ces différences, quelles sont-elles ? Eh ben, par exemple, dans la douleur, on peut avoir des fibres sensorielles myélinisées, qui fait qu'on a, par exemple, un arc réflexe dû à la douleur, qu'on retire la main très rapidement. Et en même temps, on a des fibres qui sont non myélinisées, lentes, mais qui vont conduire une douleur plus lente et plus lancinante, plus longue dans le temps. C'est la différence entre douleur aiguë et douleur à bas bruit, voilà. En quelque sorte. À bas bruit, on dit douleur... chronique. Voilà. Enfin, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est certainement plus divers. On avait consacré une émission entière, d'ailleurs, à la douleur et à ses différentes expressions. On va vous remettre le lien sur notre fil Twitter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, par exemple, Shara Matarian, comment ça se passe, en fait, comment ce système nerveux périphérique est mobilisé pour, je sais pas, mettons par exemple, pour une action, c'est-à-dire pour faire un geste, tendre le bras, comment ça se passe depuis le système nerveux central et comment, quel est l'influx nerveux, un peu le parcours de cette... J'ai combien de temps? Vous avez le temps que vous voulez. Non, de manière très simple, donc vous avez parlé de proprioception, ce sont les fibres sensitives qui sont dans les articulations par exemple, ou dans la peau, et ça vous donne la position, votre position dans l'espace, donc ou les chemins corporels. Alors, en fonction des besoins, en fonction des messages que le corps, le système nerveux périphérique véhicule vers le cerveau, il y a la vision, enfin la douleur, tout ça. Il y a une organisation cérébrale, programmation donc de la réflexion, programmation de mouvement, et puis le codage de mouvement par des zones, on dire primaires, hein, parce qu'ils codent le mouvement et ça se véhicule dans la moelle. Et là, les prolongations, ces axones qui sont des neurones moteurs qui sont dans le cerveau, se connectent avec les neurones moteurs qui sont dans la moelle, dans la partie antérieure. Et là, à partir de là, on est dans le système nerveux périphérique et l'ordre est donné de manière très très synchronisée et très complexe, hein, avec tout un système de codage en termes de fréquence, de potentiel, en termes d'intensité, en termes de, enfin bon, toute une série de codages arrive à différents muscles et en fait c'est une symphonie, on va dire, parce que pour faire un mouvement, il faut des muscles qui sont qui sont agonistes, antagonistes. Pour une contraction, il faut qu'un muscle contracte, l'autre se décontracte. Enfin, tout un système de contrôle qui intervient. J'ajoute quelque chose également. Il ne faut pas considérer le système nerveux périphérique comme un câblage passif. Hein. Mm-hmm. C'est une structure qui intervient de manière très active aussi dans l'ensemble de ces missions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont en fait en quelque sorte des boucles de rétroaction. On en parlait tout à l'heure pour le climat. C'est évidemment très différent, mais c'est en permanence en train de faire remonter de l'information. En même temps que l'information. Oui, le feedback est très très très très important. Et une fois que le feedback est perturbé, voilà, le cerveau n'arrive pas à donner l'ordre précis qu'il faut. Et là, on rentre dans la pathologie. Oui, on va en parler dans un instant. Nicolas Tricot, sur ce chemin, et là, on parle par exemple d'un chemin et d'une signalisation pour un geste conscient. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si on peut quantifier le nombre d'informations qui remontent en permanence et qui redescendent du système nerveux central chaque seconde, mais c'est incalculable. Oui, c'est très important. Alors moi, je ne sais pas le nombre, effectivement. Je n'ai pas fait le calcul d'ailleurs, mais probablement que ça a été fait. fait. Mm-hmm. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des qu'on appelle des trains de potentiel d'action. Mm-hmm. Donc l'axone est capable d'émettre des potentiels d'action qui vont permettre de propager l'information de façon identique tout le long de l'axone, même si l'axone fait plusieurs mètres de long, l'information est propagée comme ça de façon identique. C'est pas évident en fait pour un système biologique. Mais en fait, l'information est codée sous la forme de trains de potentiel d'action. C'est-à-dire plusieurs axones qui vont émettre des potentiels d'action de façon plus ou moins coordonnée. Et donc, c'est une sorte de fréquence de potentiel d'action qui va coder le message. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Nicolas Tricot, ce que sont exactement les nœuds de Ranvier et comment ils interviennent et pourquoi ils sont si importants dans le système nerveux périphérique? Ah oui, alors les nœuds de Ranvier, c'est de Monsieur Ranvier, un physiologiste français du 19e siècle, qui est très connu dans notre domaine. Il y a même un groupe de rock qui s'appelle les nœuds de Ranvier. Hein, c'est vrai, du rock metal, c'est assez intéressant de voir quel bruit font les nœuds de Ranvier. Mais donc les nœuds de Ranvier, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant en termes biologiques. C'est à la fois une coordination entre l'axone et la cellule gliale. Ils vont organiser tous les deux des régions discrètes sur l'axone, parce que l'axone, c'est une sorte de, on va plus dire ça, un grand câble. Mais en fait, l'information, elle n'est pas propagée de façon uniforme le long du câble, comme un câble électrique. C'est vraiment un câble biologique, et en fait, les cellules, la cellule de Schwann, qui forme la myéline autour de l'axone, et l'axone vont former ensemble une région discrète le long de l'axone, qui va permettre au potentiel d'axon de sauter d'un nœud de Ranvier. Alors, ces formations discrètes, on appelle ça les nœuds de Ranvier. Elles ont été observées depuis très longtemps. Mais récemment, je ne sais pas, dans les 40, 30, non, 20 dernières années, on a découvert le mécanisme moléculaire et puis les protéines qui sont impliquées là-dedans, puis comment ils sont formés, puis comment ils s'abîment avec le temps, par exemple. Et en fait, ces nœuds de Ranvier concentrent toute la machinerie qui est capable d'émettre les potentiels d'action. Et donc, en fait, les potentiels d'action sont émis tout le long de l'axone par ces régions-là, qui permet justement une propagation à l'identique du potentiel d'action, même sur plusieurs mètres. C'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Voilà, la conduction saltatoire. Saltatoire veut dire ça saute d'un nœud à un autre. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui permet, en fait, physiquement d'accélérer la conduction nerveuse. C'est dû à l'invention de la myéline au cours du développement, de l'évolution. Mmh. Et ça a été, je ne connais pas, mais certains poissons ont développé ces premières gaines de myéline, myéline-là, qui ressemblaient à de la myéline, et puis après, ça s'est amélioré au cours de l'évolution pour aboutir à ce qu'on a, nous, dans notre corps maintenant. Cher Amatarian, un mot sur ces nœuds de Ranvier, à quel point, finalement, ils sont évidemment importants pour... C'est toute une machinerie, comme dit Nicolas, pour permettre que l'information ne se perde pas, c'est-à-dire le même quantité au départ de l'axone qui arrive à la fin avec exactement le même système. Donc toute une machinerie de canaux qui sont là pour s'activer, inhiber, un peu comme un tableau électrique, vous voyez, avec plein de fusils. Qui permettent d'engendrer ça. Et puis la myéline, c'est un isolant qui permet cette conduction saltatoire et ce qui permet d'avoir en cours de l'évolution des réactions rapides, c'est surtout de défense, hein, c'est-à-dire de retrait. Voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas Tricot? Rien de particulier. Un mot peut-être, et on va passer ensuite aux questions du dysfonctionnement de ce système nerveux périphérique, sur les ganglions. Quelle est leur utilité, quelle est leur fonction, et quelle est leur fonction en fonction de leur emplacement? Peut-être un mot là-dessus, Nicolas Tricot. Oh, les ganglions, mais on en a partout, les ganglions. Il faut les préciser, c'est le ganglion nerveux, dorsaux, soit ventraux. Mmh. Alors, je connais plutôt les dorsaux, qui contiennent les corps cellulaires des neurones sensoriels. Alors, en fait, un neurone sensoriel, il y a le corps cellulaire dans le ganglion, et puis il a une sorte de... Alors normalement, ça devrait être des dendrites, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information, mais en fait, elles fonctionnent comme des axones avec des nœuds de Ranvier. Et puis, les informations viennent à travers le nerf jusqu'au ganglion, et puis ensuite, le ganglion émet son axone en direction des neurones de la moelle épinière, qui donc va transmettre l'information sensorielle à la moelle épinière. Et donc là, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de neurones sensoriels différents. Ça, c'est ce qu'on a appris dans les 20 dernières années à peu près, où les précurseurs des neurones se différencient en différents types de neurones sensoriels qui vont aller après émettre des terminaisons dans la peau, par exemple, qui sont très très variées. Il y a au moins 4 ou 5 types de terminaisons dans la peau qui ont chacune une fonction particulière, transmettent une information particulière. Comme par exemple ? Ben, par exemple, quand on caresse la main, on le sent différemment que si on pince. Et ça, c'est pas la même structure des neurones. Oui, c'est pas les mêmes neurones. C'est pas les mêmes neurones. Et puis c'est pas les mêmes terminaisons dans la peau qui reçoivent cette information-là. Et on l'a découvert comme ça. Enfin, moi, je trouvais ça très amusant. Soit les souris mutantes, quand les caresses, elles ont pas les mêmes réactions sensorielles que si on tapote la peau, par exemple. Et c'est assez étonnant. Vous voulez ajouter quelque chose? Bah, écoutez, les ganglions, donc le corps cellulaire est dans les ganglions. C'est le corps cellulaire qui fait finalement la synthèse des informations qui arrivent et sortie des informations. Enfin, c'est comme un transistor. Vous voyez, il y a plein d'entrées et plein de sorties sur le corps cellulaire et puis finalement fait la synthèse de ces informations. C'est une structure effectivement très importante en soi. C'est une unité fonctionnelle. Voilà. Si vous qui nous écoutez, vous avez eu envie de vous caresser, de vous pincer pour voir si c'était une vraie différence, vous avez eu tort puisque vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Néanmoins, on va continuer à parler de ce système nerveux périphérique et notamment de ses dérèglements. On en parle dans quelques secondes musicales. Von Paraya, Nerves, à 16h30 sur France Culture. Nous parlons des nerfs et principalement des nerfs périphériques et de leur système. Nous en parlons avec Chara Matarian, qui est chef de service des maladies neuromusculaires et SLA au CHU de Marseille et coordinateur des centres de référence des régions PACA, Réunion, Rhône-Alpes et de la filière nationale neuromusculaire, et Nicolas Tricot, chercheur INSERM à l'Institut des cellules souches ISTEM à Corbeil-Essonnes. Parmi donc les dérèglements de ce système nerveux périphérique ou les maladies qui peuvent le toucher, il y a les neuropathies. Parmi les neuropathies amyloïdes familiales qui font l'objet de recherches depuis de nombreuses années à l'hôpital Bicêtre, où vous êtes rendu, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est plus précisément au centre de référence des neuropathies amyloïdes familiales et autres neuropathies périphériques rares que je me suis rendu. J'y ai rencontré David Adams, qui est professeur en neurologie à l'hôpital Bicêtre et coordinateur du centre de référence. Depuis plus de 30 ans, des recherches sont menées sur les neuropathies amyloïdes familiales, un type de neuropathie héréditaire potentiellement mortelle qui touche le système nerveux périphérique. David Adams nous explique comment se conjuguent recherche clinique et recherche fondamentale autour de ces neuropathies. Il nous explique également les récentes avancées en matière de traitement pour ces neuropathies. Alors il y a deux grandes classes de neuropathies. Il y a celles qui sont héréditaires, qui peuvent se transmettre de parents à enfants. Et puis il y a les neuropathies acquises qui touchent des individus isolés, qui sont souvent dues à un dérèglement immunitaire, qui qui est donc apparemment auto-humain. Les principales manifestations, ben, ça touche les sensibilités des pieds, des mains et puis tout ce qui est moteur, c'est-à-dire que ça peut donner des douleurs parfois très invalidantes, des difficultés à courir, à marcher, des difficultés gestuelles. Et dans certains cas, ça peut, sur la sévérité, amener un état gravataire avec une perte de l'autonomie à la marche et parfois, dans certains cas, entraîner le décès. Nous, on s'est concentré pendant 30 ans sur la forme la plus grave, la neuropathie amyloïde familiale, qui détruit globalement tout le système sensitif, moteur et automatique qui permet de contrôler le système tensionnel, digestif, urinaire, etc. C'est l'équivalent pour le cerveau de la maladie d'Alzheimer. Et donc on s'est dit, on va s'attaquer à cette maladie pour laquelle il n'y a aucun traitement. Donc on a participé à différentes études pour essayer de valider des approches de traitement successives. À quel résultat vous êtes parvenu récemment et grâce à quel protocole expérimental ? Alors il y a une étude expérimentale qu'on a menée en collaboration avec des chercheurs de l'unité INSERM, 1995, c'est sur le modèle de neuropathie héréditaire qu'on appelle Charcot-Marie-Tooth, qui est la neuropathie la plus fréquente puisqu'elle touche une naissance sur 2500, qui touche aussi bien des enfants que des adultes. Et donc, il y a eu l'idée le gène est surexprimé dans cette maladie-là, c'est d'essayer de réduire l'expression et de normaliser l'expression de ce gène et donc de la protéine, qui est une protéine de la membrane de la myéline. Et à partir de là, en normalisant cette protéine, on espérait redonner une fonction normale au système nerveux périphérique et permettre à nouveau de marcher, de se déplacer pour, dans un premier temps, les souris. Alors la molécule a été mise au point et elle était capable de rentrer dans les cellules de la gaine du nerf, ce qui est un premier point. Et par ailleurs, aux doses adéquates et avec la protéine, le traitement médicament sélectionné, injecté en intraveineux, on a eu des résultats très intéressants puisqu'en 3-4 semaines après une série de 5 injections intraveineuses, on a vu la souris retrouver un fonctionnement normal en marche et en force de préhension au niveau des patamons. Alors après, c'est toute une partie de passage du laboratoire à l'essai chez l'homme et là, il y a des étapes réglementaires incontournables qui sont de vérifier deux choses. D'une part, qu'on est capable de produire ces nouveaux médicaments ARN interférent en quantité suffisante pour pouvoir administrer à l'homme et avec des conditions de sécurité suffisantes pour qu'il n'y ait pas de toxicité particulière sur un ou plusieurs organes humains. Donc il y a des tests de toxicité aiguë et chronique à vérifier au préalable chez certaines souris et chez des primates. Avant d'aller, donc c'est une étape de 2-3 ans de recherche qu'on dit préclinique avant d'aller administré pour la première fois dans une phase 1 le fameux médicament au patient. Ça c'est pour cet essai en particulier. Si on prend un petit peu de recul, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels vous allez vous confronter dans les années qui viennent concernant ces neuropathies qui touchent le système nerveux périphérique ? Alors c'est vrai que les 10 dernières années nous ont permis de montrer qu'on était capable de traiter ces neuropathies avec des traitements de plus en plus innovants, de plus en plus puissants et des effets longue durée. Pour deux neuropathies héréditaires notamment, les challenges, c'est vu qu'il y a plus d'une centaine de neuropathies héréditaires, c'est de trouver la clé et la solution, le médicament en clé pour chacune de ces neuropathies héréditaires. Donc on rentre après 30 ans de découverte de gènes et de maladies précises sur un challenge considérable qui est de trouver maintenant les traitements pour chacune de ces maladies-là grâce à des biotech qui ont conçoit de façon biochimique des nouvelles molécules capables de modifier le comportement cellulaire et normaliser les cellules du système nerveux périphérique, que ce soit notamment la gaine de myéline, voire l'axone. Il y a eu des progrès considérables ces dernières décennies. Est-ce que vous pourriez, en matière de traitement de certaines neuropathies, comment vous caractériseriez ces modifications-là et ces mini-révolutions, on va dire ? Sur les 30 dernières années, on peut prendre l'exemple des neuropathies amyloïdes familiales où globalement la première solution proposée il y a 30 ans a été la transplantation hépatique pour supprimer l'organe producteur de protéines toxiques transthyrétine mutée. Demain, on est en train d'avancer sur des essais cliniques qui doivent permettre cette fois-ci une probable thérapie génique pour aller couper ce fameux gène de la transthyrétine dans le foie grâce à un ciblage très spécifique après une simple perfusion et après avec un mécanisme très précis de découpage d'un gène donné dans le foie qui permettrait en une perfusion d'une heure et demie de globalement traiter en une fois le patient et de le guérir définitivement. C'est-à-dire qu'on a une véritable révolution qui se profile. Déjà, traiter et guérir des patients en une fois sans avoir à suivre par la suite le patient et le faire venir aller-retour ce patient-là. On atteint un peu cette médecine de précision et cette chirurgie génétique, on va dire, de haute précision. Oui, on rentre dans ce système-là, ce qui fait que, en plus, c'est des neuropathies héréditaires, ce qui fait que, avec des frères et des sœurs et des enfants touchés, c'est clair que ça simplifierait considérablement à la fois le traitement et la surveillance. Voilà, sur ces recherches autour des neuropathies amyloïdes familiales, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, cher Amatarian ? Oui, effectivement, des très grands progrès depuis, surtout c'est depuis 2013. La neuropathie amyloïde, c'est une neuropathie qui est assez particulière puisque entre guillemets, un peu plus facile, on va dire, parce que la protéine anormale est produite au niveau du foie. Et le foie absorbe les particules, les molécules. Donc, ce qui facilite l'accès aux mécanismes physiopathologiques, au contraire des autres neuropathies où il faut aller dans le système nerveux périphérique et c'est beaucoup plus protégé. Alors, il y a eu trois progrès, effectivement. D'abord, on a compris, grâce à les mécanismes physiopathologiques, que ça pathologie de dépôt, la protéine qui est albumine, qui est très connue, donc c'est muté, il se dépose dans la cellule et ça devient toxique. Donc d'abord, on a empêché en 2013 par des médicaments qui empêchaient le dépôt. Ensuite, David parlait des traitements innovants et de plus en plus forts qui sont arrivés vers 2018-2019. On a agi au niveau des ARN que maintenant on connaît avec le Covid. Donc, soit on a arrêté la production des ARN, soit la régulation des ARN, soit traduction, c'est-à-dire la production de protéines à partir de ces ARN. Et puis effectivement, on va vers les thérapies géniques. Il y a un essai phase 2 a été fait avec les ciseaux moléculaires. CRISPR, effectivement. Alors, sur les thérapies géniques, je peux faire un mot. Bien sûr, je vous en prie. Oui. Donc, il faut faire attention à la thérapie génique. C'est magnifique, c'est vraiment l'avenir. Mais d'abord, il faut savoir que la thérapie génique ne permet pas de guérir. Donc, la thérapie génique va arrêter la maladie. Mmh. Le processus pathogène. Vous avez une incendie de forêt, vous arrosez l'arbre, ça poussera ou pas. Deuxième chose, c'est qu'actuellement, on a dans les maladies neuromusculaires des thérapies géniques qu'on utilise une particulière. Alors, il ne faut pas oublier que c'est des moyens lourds et que ça expose à des risques. Actuellement, un patient sur 30 peut décéder avec les thérapies géniques. Donc, l'utilisation actuelle de toutes ces thérapies c'est grâce à les vecteurs viraux qui ont une toxicité surtout au niveau de foie. Donc il faut aussi que les éditeurs connaissent ça. Bien sûr. Qu'on voilà. Oui, vous faites tout à fait bien de le préciser. Nicolas Tricot également sur ces neuropathies amyloïdes familiales, sur la recherche, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que vous notez, c'est quand même les premières approches de thérapie qui fonctionnent sur le système nerveux périphérique. Alors, comme dit Charam, c'est quand même une pathologie qui est très particulière, avec un dépôt de protéines qui vient finalement d'ailleurs. On n'a pas à traiter le système nerveux périphérique en lui-même, on traite l'origine du problème dans le foie. Maintenant, il y a beaucoup d'autres maladies qu'il faut arriver à traiter. Ça, c'en est une parmi plusieurs dizaines ou... Donc du coup, c'est une autre problématique. Chaque maladie a sa problématique. Celle-ci a été bien abordée parce qu'elle est relativement facile à aborder. Mais il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus difficiles à aborder, même en thérapie génique. Oui, parce que ce qu'il faut bien préciser, c'est que les nerfs, quand ils sont abîmés, ne se réparent pas, ne se régénèrent pas, et qu'ils sont difficiles d'accès en termes de cible thérapeutique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Nicolas Tricot ? Eh ben alors là, je vais vous reprendre, désolé. Ah ben je vous en prie. Mais les nerfs ont justement cette capacité à se régénérer. Contrairement au système nerveux central, quoi qu'on disait qu'il n'était pas régénérable, mais en fait, le système nerveux central est capable de se régénérer, hein, on le sait maintenant. Mais le système nerveux périphérique a une très belle capacité à se régénérer, puisqu'en fait, les axones sont capables de repousser et la cellule de Schwann est capable de démyéliniser, c'est-à-dire digérer sa propre myéline pour permettre à l'axone de repousser. Et une fois que l'axone a repoussé, ben, la myéline est capable de remyéliniser l'axone. Donc c'est quand même une énorme capacité. La problématique, c'est que ça repousse, c'est capable de régénérer, mais ça régénère lentement. Et ça régénère, par exemple, quand l'axone est coupé, ça va régénérer sur quelques centimètres, peut-être une dizaine de centimètres, mais difficilement plus. Charamatarian fait un signe de la main en disant 10 cm maximum. Non, pas du tout. Non, non, je laisse finir. Voilà, allez-y, Nicolas Tricot. Voilà, alors que la myéline elle-même, elle, a beaucoup de capacité de régénération. Là, quand l'axone est toujours là, la myéline peut complètement se régénérer. On a l'exemple des syndromes de Guillain-Barré, qui sont un peu plus connus maintenant parce qu'on pensait que c'était lié au Covid, mais c'est pas sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le système immunitaire va attaquer la myéline, va détruire la myéline. Enfin, la cellule de Schwann va détruire sa myéline et démyéliniser, dégénérer. Et puis, quand le système immunitaire dès que son activité commence à décroître, la myéline est capable de réapparaître. Alors, ça peut prendre du temps. Les patients ont des séquelles pendant quand même plusieurs mois, quoi, même des années. Mais ça se régénère. Donc, effectivement, c'est quand même une capacité assez extraordinaire. Charles Matarian. Donc, je suis d'accord pour les capacités extraordinaires, mais je modère quand même la régénération. Donc, je suis d'accord pour la myéline, donc c'est pour ça que je vous ai dit sur les structures fondamentales. La myéline, ça régénère. L'axone, ça se régénère difficilement, ça pousse, mais la repousse est quand même désorganisé. Donc, dans la pathologie, une fois que l'axone est touché, le malade n'améliorera pas. Donc oui, ça peut pousser, on voit les patients, on lui dit mais ça a combien poussé? Oui, mais une fois que la perte axonale est là, l'atrophie est là, ça ne s'améliorera pas. Et puis il y a le corps cellulaire aussi. Le corps cellulaire, une fois que donc récemment vous avez fait une émission sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, ou le ganglion rachidien, une fois que toxique touche ces ganglions sensitifs, ça ne régénérera pas, donc les séquelles persisteront. En fait, tout dépend à quel moment on intervient sur le processus pathologique. Plus on met du temps, plus la récupération va être mauvaise. Donc, on arrivera à la notion d'errance diagnostique et les dommages d'errance diagnostique. Voilà. Oui, les capacités, ils y sont, mais on n'arrive pas. C'est pour ça que je vous disais, on arrive à arrêter la pathologie, mais non pas à améliorer. Nicolas Tricot, un mot peut-être là-dessus? Oui, exactement. Je suis d'accord avec ta Charam pour là. Effectivement, on est capable d'arrêter. D'ailleurs, l'objectif des thérapies qu'on développe, mais que aussi moi je développe dans mon laboratoire et dans ma start-up, c'est justement de bloquer l'évolution de la maladie. Oui. Donc, on essaye d'intervenir le plus tôt possible pour éviter les dommages sur l'axone et de façon à permettre justement de ne pas avoir une évolution dramatique. Et on peut espérer, si les axones ne sont pas atteints, on peut espérer que la myéline va se régénérer et est capable. Donc on peut avoir une capacité d'amélioration. Maintenant, si on passe sur des patients qui ont perdu beaucoup de fibres, probablement que les fibres vont jamais pouvoir se régénérer. Donc là, la myéline n'aura aucun impact. De toute façon, s'il n'y a pas les fibres, axones, on ne pourra rien faire. Donc il y a quand même un peu d'espoir. D'abord, on travaille sur la myéline parce que c'est facile à régénérer. On peut imaginer que dans quelques dizaines d'années, une dizaine d'années, ou peut-être qu'on sera capable aussi d'améliorer la régénération des axones. Ouais, c'est possible. Oui, alors il y a un gène visiblement qui est responsable de dégénérescence, qui est connu, hein. Ça a été publié il y a 2 ou 3 ans, donc si on arrive à agir sur ça, donc d'empêcher la dégénérescence. Et c'est notamment important pour les pathologies liées au diabète, puisque l'une des atteintes principales aujourd'hui avec la maladie de Charcot, la SLA, dont on a parlé effectivement il y a peu de temps dans cette émission, c'est effectivement le diabète. Vous pouvez nous décrire peut-être, Charam Atarian, en quelle mesure le diabète a un effet sur le système nerveux périphérique et pourquoi il est important de le traiter rapidement et avec ce problème que vous évoquiez à l'instant, qui est celui de l'errance du diagnostic. Tout à fait. Alors, neuropathie diabétique, c'est quelque chose qui fait pas partie des maladies rares. Hein. Diabète est très fréquent, des centaines de millions dans le monde. Alors, au cours, si le diabète reste, ce qui est toxique pour le nerf, c'est le taux de sucre en soi qui est toxique. Donc le contact permanent d'hyperglycémie avec le neurone, avec les vaisseaux qui l'entourent, entraîne une souffrance de système nerveux périphérique. Et en général, les patients, quasiment toujours au bout d'une dizaine d'années d'évolution, ils ont une neuropathie. Alors, les facteurs, on va dire, c'est tout l'équilibre de diabète qui permettrait d'empêcher que la neuropathie prenne des conséquences importantes et le suivi de diabète. Alors, quelque chose qui est étonnant aussi, c'est la variation de taux de sucre dans le sang entraîne des douleurs importantes. C'est-à-dire, si vous êtes à 3 grammes dans le sang et que vous corrigez avec insuline, tout de suite vous arrivez dans les taux normaux, eh ben, ça fait hyper mal. Oui. Donc, c'est étonnant. Donc, voilà. En fait, c'est la neuropathie la plus fréquente et puis le plus facile à traiter puisqu'il suffit d'essayer de prendre des mesures. Et aujourd'hui, justement, elle est facilement traitable et elle ne se traite qu'en traitant le diabète ou est-ce que la neuropathie en tant que telle peut être traitée comme une maladie en soi? Non, c'est en traitant le diabète. La neuropathie, actuellement, on n'a pas de traitement pour justement régénérer parce que c'est une perte axonale. Et l'axon, quand c'est touché, c'est difficile de régénérer. C'est le diabète qu'il faut. Après, on donne des traitements symptomatiques pour que le patient souffre moins, parce que ces atteintes sont responsables. Ça commence par des fourmillements, douleurs, brûlures, ce genre de choses. Il y a d'autres types de neuropathie. Alors, il y avait un de nos auditeurs qui parlait. Je vous soumets ça. Je ne sais pas si quelque chose peut être compris. Traité ou envisagé, c'est vraiment un cas très particulier, mais qui parlait de zona et de douleurs post-zona qui sont impossibles à traiter. C'est aussi une forme de pathologie du système nerveux. Oui, c'est reviviscence d'herpès. Et effectivement, ça suit le trajet d'une racine. On peut identifier le trajet avec un doigt. Très, très douloureux. C'est vrai que on a un arsenal thérapeutique à notre disposition, pour les patients, mais cela reste difficile à traiter. Donc, il y a des médicaments qui ont l'AMM, comme Lyrica, Cymbalta. On peut mettre des patchs anesthésiants. On peut utiliser des stimulations électriques au niveau de comment on traite une sciatalgie. Voilà. Mais ça reste difficile, très douloureux, effectivement. Nicolas Tricot, quels sont aujourd'hui les enjeux justement autour de cette question de démyélinisation ou de remyélinisation? De quel type de pathologie ça correspond et aujourd'hui où en est notamment vos recherches sur le sujet? Où en sont, pardon? Donc oui, on sait depuis maintenant un certain temps que la plupart des maladies du nerf périphérique sont dues à un problème de démyélinisation, cette dégénération de la myéline. Donc on a à peu près 80% des maladies du nerf qui sont dues à des démyélinisations. Donc effectivement empêcher. Donc moi les symptômes par exemple de ce type de neuropathie, c'est quoi? En général c'est un ralentissement de la conduction nerveuse, donc on a une perte sensorielle et puis ensuite on va avoir progressivement des symptômes d'atrophie musculaire. Puisque les muscles sont plus énervés, du moins les axones peuvent être encore là, mais comme la conduction est lente, ils sont plus énervés correctement. Et donc on a donc une perte de musculaire, surtout aux extrémités. Ça c'est la caractéristique des maladies du nerf périphérique. Mmh. Et en fait, c'est les axones les plus longs qui vont avoir tendance. Alors quand la myéline disparaît, elle disparaît pas de façon homogène tout le long de l'axone. Donc il va avoir comme ça des patchs de disparition et au bout d'un certain... Alors, il y a une certaine résistance du système, redondance du système, robustesse, on va dire, qui permet qu'en fait, jusqu'à 50% des cellules de Schwann peuvent disparaître, on n'aura pas forcément de gros symptômes, mais à partir d'un certain nombre de segments de myéline qui disparaissent, on va avoir des symptômes qui vont commencer à apparaître. Mmh. Et donc, comme les axones les plus longs ont plus de cellules de Schwann et donc plus tendance à perdre, à avoir plus de trous le long de cet axone, eh ben, on voit qu'ils vont perdre le signal. Et c'est pour ça que on a les extrémités qui ont, sont énervées par les axones les plus longs commencent à avoir des problèmes en premier. Mmh. Donc, on a des problèmes au niveau des mains. Ça commence par des fourmillements souvent? Oui, c'est ça. Des problèmes sensoriels, effectivement. Mmh. Puis après, on va avoir des rétractions. Des doigts qu'on peut plus bouger correctement. Mmh. Souvent, les jeunes disent qu'ils ne peuvent plus boutonner leur chemise. Ça, c'est perte de sensibilité, perte de dextérité, parce qu'on n'arrive plus à faire les choses. Et puis, c'est vrai que sur le long terme, c'est des rétractions au niveau des pieds et des mains qui vont alors à provoquer, ça c'est plutôt mais ça, mais qui vont provoquer des douleurs qui sont... Alors, à la fois, le système nerveux périphérique, quand il est atteint, il anesthésie finalement. Mais comme il va provoquer des déformations, ça va provoquer des douleurs très importantes au niveau du squelette et au niveau des déformations du squelette qui sont très douloureuses. Et on voit bien parce que comme vient de l'expliquer Nicolas Tricot, ça met du temps finalement à ce que les symptômes apparaissent vraiment. Et c'est un problème connu que vous évoquiez. Peut-être un mot là-dessus pour conclure sur l'errance diagnostique. Il faut vraiment intervenir le plus en amont possible. Si vous nous écoutez, que vous avez un doute ou des questions justement de fourmillement dans les extrémités, dans les pieds, dans les mains, il faut tout de suite aller consulter très rapidement. Oui, effectivement. Alors d'abord, c'est pas une maladie très rare. Hein. Sur la fréquence, la définition de maladie rare, c'est 1 sur 2000 habitants. Là, on est 1 sur 2500. Donc, on a la limite. Et comme Nicolas l'a dit... Charcot-Marie-Tooth. Mmh. Alors, j'en profite pour donner un message aussi à ne pas mélanger avec la maladie de Charcot, qui est la sclérose latérale amyotrophique. Alors, la SLA, oui. La SLA. Donc, ceux qui sont touchés de Charcot-Marie-Tooth, faites attention, c'est le même neurologue, mais c'est pas la même maladie, très différente. Alors, donc c'est une pathologie qui commence extrêmement lentement. Je veux dire, c'est ces fourmillements, ces douleurs, et puis ces difficultés. On peut avoir perte d'équilibre. Alors, on voit difficultés pour manipuler des gestes fins. On peut voir des enfants qui sont harcelés à l'école, par exemple, parce qu'ils sont, ils n'ont pas la capacité à faire le sport comme tout le monde, ou ils n'ont pas la dextérité comme tout le monde, donc ils sont harcelés. C'est des maladies qui peuvent survenir très jeunes, qui peuvent commencer jeunes. La forme enfantine, c'est plus rare que la forme adulte, mais ils peuvent intervenir, oui, vers 10, 12 ans. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les premiers signes, c'est autour de cet âge-là, hein, c'est 10, 12 ans jusqu'à 15, 16 ans. Et puis pré-adolescence. Adolescence. Oui, pré-adolescence. Alors. Au niveau de génétique, on a donc toute une ces mécanismes compliqués. Hein, la pénétrance, c'est-à-dire l'expression dans la maladie dépend de tellement de facteurs. Il n'y a pas que le gène. Donc c'est très variable et c'est ça qui rend différent parce que quoi plus banal que d'avoir des petits fourmillements, des choses comme ça. Donc c'est pas tout à fait enseigné dans les universités non plus. Alors il y a une méconnaissance, donc il y a une errance diagnostique qui peut aller jusqu'à des années. Jusqu'à 15 ans, d'après les chiffres qu'on a, pour faire le diagnostic. Donc, il y a un retard de prise en charge. Et puis, comme je vous ai dit, hein, ça peut avoir des retentissements sociaux et même d'avoir des métiers qu'il ne fallait pas... Enfin bon, on aurait pu orienter mieux. Mais écoutez, voilà, c'est entendu. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous parler de ce système nerveux périphérique. Merci, Chara Matarian. Merci, Nicolas Tricot. Merci. D'avoir été avec nous. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Néguès de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guéli, la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, eh bien, vous le savez, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.